Suaveis. Suaveis. Ai, suave. Suave. J'étais une tornade, mais je me soigne. J'étais une tornade, mais je me soive. Je vais bébé au cours du soif. Bébé, grâce à toi, les cours du soif. J'étais une tornade, mais je me soigne. J'étais une tornade, mais je me soive. Je vais bébé au cours du soif. Bébé, grâce à toi, les cours du soif. Les cours du soif. Il faut apprendre la vie, mais l'envie de l'envers t'a pris. Les cours suivent leur cours, les cours suivent leur cours. L'amour a pris ton cœur et lourd il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure, il est l'heure du soir. J'étais une tornade, mais je me soigne. J'étais une tornade, mais je me soigne. Je vais bébé au cours du soif, bébé grâce à toi. Précipitations sont tombées, les actions sont montées, sans me précipiter. Je reste posé, elle suit le cours de mes bourses. J'assuis les cours du soif, sans esbrouf, toujours swag. Je suis les cours du soif. J'étais une tornade, mais je me soigne. J'étais une tornade, mais je me soive. Je fais bébé au cours du soif. Bébé, grâce à toi, les cours du soif. Les cours du soif. Les cours du soif. L'envie, c'est le mouvement, la vague, c'est l'océan. Le soif n'est posé. J'étais une tornade, mais je me soigne. J'étais une tornade, mais je me soif. Je vais bébé au cours du soif. Bébé, grâce à toi, les cours du soif. J'étais une tornade, mais je me soigne. J'étais une tornade, mais je me soif. Je vais bébé au cours du soif. Bébé, grâce à toi, les cours du soif.